Yesu ndo wakwambia mambo yako bieleme hata kilonda kia kuroo hata munga dunia shezi kutuza kiroo kia kuroo kilonda kia kuroo nipaka Yesu Kristo mama yeye njo jibu yetu ndani ya mambo yetu umite Yesu aku Nazareta unaritenda na bazamani atatenda na wewe unaritenda na Sara atatenda na wewe ule Mungu alitenda na Shadewa atatenda na wewe umite paka Yesu Kristo yeye njo jibu yetu ndani ya mambo yetu umite paka Yesu Kristo yeye njo jibu yetu atabu na ingia bieneme Yesu ashila lake atajibu paka ndani ya mambo yetu ipaka Yesu Kristo mama yeye njo jibu yetu wakati shida tumwite wakati magonjwa tumwite ipaka Yesu Kristo mama ipaka Yesu Kristo mama yeye alitenda na Simeoni c'est possible atende na we hata atenda bieneme acha kuria bieneme les encourager avec les acclamations. Amen, amen. Canon vocal, que Dieu vous bénisse. La chorale, un chant de louange. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ça peut être à partir de cette louange que tu es sauvé. Tu es venu avec des problèmes. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de Dieu? Nous voulons louer notre Dieu. Est-ce que tu peux commencer par des acclamations? Est-ce que tu peux acclamer les rois des rois? Est-ce que tu peux exagérer encore avec des acclamations? Il est puissant, il est merveilleux, c'est matin. Nous voulons louer notre Dieu parce qu'il siège au milieu de la louange. Hey! Bougez! Kumama e, kolo Yesu e kumama. Kumama e, lume mobali e kumama na yo e. Kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, kumama, k lié, comme maman la yo. Yeah. Beba, beba, beba. C'est ça. Est-ce que nous pouvons acclamer les rois des rois? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois? Le mouvement du corps aussi fait partie de l'adoration. Alléluia. Nalingi yo yesoyo talandenge obongi singa. Ni sujet moi na nifuraisha kabisa mumimbo wa imba. Puisque si nous pouvons faire seulement une rétrospection, Turudie Kokumukongo 2 ans, 3 ans, vous allez vous rendre compte que notre Dieu a fait encore. Il agit encore. Il continue à nous bénir. Alléluia. C'est un sujet d'adoration. La façon dont Dieu prend soin de nous. Mungwe kona tuchunga. Mungwe kona tutengeneza. Kobongisa. Mishijwe mswahili kama tutaisema je. Ana tutengeneza. Alléluia. Mungu eko na tutengenezea paka na fashi ya she kuishi. Mungu eko na tutengenezea makazi. Mungu eko na tuchungia batoto. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus pour adorer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci Dieu, merci Seigneur. Kwa mema unafanya mu maisha yangu. Kwa kuchunga unanichunga. Kama mina ngaria mu 2010 na leo kuko bizuri bya mingi bila unafanya. Nikibebe foto yangu ya mu 2020 mitashukuru Mungu. Nikibebe foto yangu ya mu 2021 mitashukuru Mungu. Nikiangarie kazi ile nilikuwa natumika mu 2020 mitashukuru Mungu par rapport ya iki Mungu anafanya leo mu maisha yangu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et être reconnaissant envers ce Dieu? Seigneur, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants. Tu ne changes pas. Quand tu dis un mot, tu finis par réaliser. Tu es fidèle, tu ne mens pas. La parole me dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es ni le fils de l'homme pour te repentir. Le ciel est la terre. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tout un chacun. Je bénis ton nom pour ta fidélité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je veux voir. À cause de ce que Dieu a fait. Que thank you. Paza sauti yako. Bénisse Dieu qui est fidèle. Bénisse Dieu qui est fidèle, qui est merveilleux. Mungu ni mwaminifu kabisa. Oh, il est fidèle. Sika ni mwaminifu. Il est magnifique. Mwema kabisa. Sois élevé, Seigneur. Uinuliwe tena Bwana. Sois élevé. Hakika uinuliwe tena Yesu. Tiako ante kuabudu Bwana. Je bénis ton amour pour nous. Sois élevé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux l'acclamer encore. Oh, vous chantez tena. L'acclamer encore. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu peux l'acclamer encore. Dis-je tena kabisa. C'est le dernier dimanche d'avril. Tu me l'as mis acclame-le. Chantez-lia. Tout ce qu'il a fait au mois d'avril. Elifanya baisa yako. Acclame-le. Vous chantez-lia. Tu t'as gardé sur la route. Amaru tu tout temps. Il est fidèle. La nuit comme le jour. Il est fidèle. Aux enfants qui sont loin comme ceux qui sont près. Il est fidèle. Dans les affaires. Dans le mariage. Il est fidèle à tout ça. Sois élevé. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini la Pâque dimanche passé. Je me répète à tout le monde, Pasaka. Et jusqu'à la Pentecôte, nous voulons voir certaines choses. Jusqu'à la Pentecôte, tu apprends encore à qui ont suivi la Pâque. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que je donne le thème, je vais introduire. Rentrons dans notre texte de base, Juges chapitre 6. Nous, on est toujours là. Et vous allez comprendre avec moi ce que le Seigneur est en train de faire. Un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparu à ses yeux. Alléluia. Verset 36. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Donc, sur une surface. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, Je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. J'ai donc dit à Dieu, Seigneur, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Amen. Alléluia. Après la résurrection, le Seigneur a commencé une autre dimension du ministère. Mais il devait donner des signes et des miracles qui montraient que réellement Jésus est ressuscité. Nous voyons un Gédéon qui demande des signes à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux des signes. Bien que Dieu lui avait déjà montré le premier signe. Le feu qui est sorti du rocher. Jamais quelqu'un a vu ce miracle. Gédéon dit au Seigneur, je mets une toison que tout reste sec, que la toison seulement se mouille. Alors nous savons tous très bien que quand nous laissons un habit sec la nuit, le matin il sera couvert de la rosée. Mais Dieu a écouté la prière. Dieu a accédé à la demande de Gédéon. Et Dieu a fait ce miracle-là. Gédéon dit à Dieu, non, ça c'était la première étape. Je veux une deuxième étape. Fais l'inverse. Dieu ne s'est pas fâché. Ah, je vois un homme qui parle avec Dieu. Je vois un homme qui discute avec Dieu. Mais parfois nous avons l'impression que Dieu c'est un roi infiniment élevé, inaccessible. Non, nous voulons parler d'un roi qui vit avec nous, qui partage nos problèmes, qui veut communier avec l'homme comme l'homme partage avec son ami. Et ce qui nous éloigne de Dieu, vraiment, c'est quand nous avons des problèmes. C'est nos péchés, c'est nos problèmes. Adam et Ève, chaque soir, ils allaient parler avec Dieu. Dieu descendait. Dieu les appelait. Ils avaient un moment de rendez-vous avec le Seigneur. Au-delà de ça, Moïse était un homme comme toi et moi. Dieu dit, je parle avec Moïse comme un homme parle avec son ami. Donc Dieu aime parler avec nous comme des amis. Alléluia. Ça c'est très important. Alors, après la Pâque, Jésus a opéré des signes et des miracles. Pendant 40 jours, avant de monter au ciel, pour montrer qu'il est ressuscité. Et pourquoi nous voulons en parler? Frères et sœurs, les apôtres, l'église primitive, n'avait aucun message que de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. C'était le seul message. Il prêchait que Jésus-Christ est ressuscité de corps et de chair. Et c'est ce qui faisait la différence avec les autres églises. Nous ne parlons pas des revenants. Nous ne parlons pas des gens que tu vois dans les rêves. Nous ne parlons pas des gens que tu vois en esprit. Nous parlons de Jésus-Christ qui est mort, qui a été enterré et qui est ressuscité avec son corps. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus-Christ-là? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et c'est pourquoi maintenant, là, je prie qu'il fasse des signes, des miracles et des prodiges dans la vie de quelqu'un. La foi des apôtres et tout le Nouveau Testament est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est que la prédication de la résurrection qui change la vie de quelqu'un. Alléluia. Il ne prêchait pas l'argent. Il ne prêchait pas les habits. Il ne prêchait pas Israël. Il prêchait Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Nous voulons parler ce matin d'un Jésus-Christ ressuscité. Acte chapitre 1, verset 3. Je prends ce dernier texte pour l'introduction. Acte 1, 3. La technique peut nous mettre ce texte. Regardez ce qu'il dit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. C'est ce que nous allons parler pendant ces 40 jours. Il a donné plusieurs preuves comme il a donné à Gédéon. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons parler des choses que Jésus a démontrées. Donc que Jésus a montré pour démontrer sa résurrection. Alléluia. Et ce matin, nous lisons deux textes et nous donnons le thème et nous prions. Jean chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc retenez très bien la raison pour laquelle ils fermaient les portes. C'est à cause de la crainte. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois, écoute, je reprends, si je ne vois dans ses mains, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Écoutez ce que Thomas dit. Mon doigt doit entrer là, dans les marques de clous. Sur le côté, il ne parle même pas de doigt, il dit ma main doit entrer là. Si ça n'entre pas, je ne vais pas croire. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Avant de continuer, après 8 jours, Jésus a attendu 8 jours. Parce qu'il a voulu que Thomas qui contestait, soit là. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Aujourd'hui, là, il va faire un miracle pour celui qui doutait encore. Il y a un miracle prévu pour toi. Oh, Jésus t'attendait. Il est là pour faire un miracle pour toi qui doutais encore que Jésus est ressuscité. Alléluia. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je vais revenir sur ça. Je serai bref aujourd'hui aussi. Heureux. Je vous renvoie dans Matthieu chapitre 5, où vous allez voir les béatitudes. Les béatitudes. C'est ça? Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, car ils obtiendront miséricorde. Il a cité les 7. Mais ici, il en ajoute. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Alléluia. Ok, avant de commencer, Matthieu chapitre 27. Et nous allons parler juste pendant quelques minutes. Matthieu 27, je suis. Verset 62 à 64. Matthieu 27. Verset 62. Matthieu 27. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous souvenons, que cet imposteur, il a dit, quand il vivait encore, au messager, quand il vivait, il a laissé une parole. Il a déclaré, il a dit, pendant qu'il vivait, après trois jours, je ressusciterai. C'est une parole de Jésus-Christ. Après trois jours, je ressusciterai. Maintenant, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Regardez ça, la dernière phrase qui est extraordinaire. Cette dernière imposture. Non. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pire, là, c'est le superlatif. C'est vraiment le superlatif. Ils ont dit ceci. Pilate, écoute, nous venons en tant que sacrificateurs. Mets les militaires au sépulcre, à la tombe de Jésus. Nous venons de nous rappeler de certaines de ses paroles. Ah, ils ont compris que toutes les paroles que Jésus prononçait s'est réalisé. Alléluia. Toutes les paroles que Jésus prononçait s'est réalisé. Mais nous venons de nous rappeler, pendant qu'il était vivant, il a dit une parole que quand je serai mort, après trois jours, je vais ressusciter. Maintenant, voici notre demande. Nous avons besoin de garantir les trois jours. Nous avons besoin de vérifier les trois jours. S'il ne ressuscite pas, c'est bon. Les militaires peuvent partir. Parce que nous ne voulons même pas qu'on vole son corps. Parce que pour nous, pour le monde entier, la résurrection de ce monsieur va dépasser sa mort. Alléluia. La résurrection de Jésus va dépasser sa mort. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, les disciples ont compris que maintenant, il n'y a plus rien qui peut bloquer la vie. Frères et sœurs, Jésus est ressuscité. Il n'y a plus rien qui peut bloquer la vie de quelqu'un. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi leur message, c'était la résurrection. Oh, je prends un petit sous-thème ce matin. Et je voudrais qu'on puisse prier Jésus-Christ ressuscité pour guérir les désespérés. Alléluia. Alléluia. Jésus ressuscité pour guérir les désespérés. Alors nous rentrons dans notre texte de Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Le soir de ce jour-là qui était le premier, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Les disciples avaient peur. Ils ont fermé les portes. La Bible nous dit, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, frères et sœurs, il y a certaines situations dans la vie qui te poussent à t'enfermer. Il y a des situations dans ta vie qui te poussent à avoir peur. Il y a des choses qui ont poussé les disciples qui vivaient avec Jésus-Christ d'avoir peur à cause des Juifs. On a menacé Pierre pendant que Jésus était vivant. Pierre s'est dit, comme il est mort, c'est fini. Pilate est là. Les Juifs sont là. Le Sanhédrin est là. Les disciples étaient enfermés à cause de la crainte de Juifs. J'ai dit à quelqu'un ce matin qui a peur à cause d'une situation dans sa vie, à cause d'une crainte. Ça peut être la maladie, ça peut être les hommes, ça peut être les attaques de l'ennemi. Tu as peur. Et ils étaient enfermés. La Bible me dit, pendant qu'ils étaient enfermés, Jésus vient. Il se présente au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Oh, ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ ressuscité. Ils étaient dans la joie de voir Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je retiens ce matin? Quelle est la première chose à retenir ce matin? Ils avaient peur des ennemis à cause de la peur. Et même qu'ils se sont enfermés, pour eux ce n'était plus évident que Jésus-Christ puisse encore être avec eux. Oh, je veux dire à quelqu'un, une parole qui va t'encourager. Et si tu crois cette parole, tu vas acclamer pour cette parole. Je dis à quelqu'un ce matin, une parole qui va t'encourager. Tes ennemis à toi n'auront jamais et jamais le dernier mot dans ta vie. Est-ce que je peux dire amen à cette parole? Tes ennemis à toi n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Je dis à quelqu'un, même s'ils te terrorisent, même s'ils te font peur, la vérité, c'est que tes ennemis n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Le dernier mot appartient au Seigneur. Le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Ils pensaient qu'ils avaient le dernier mot sur la vie de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tes ennemis n'auront jamais, jamais le dernier mot. Ils croyaient qu'ils ont enterré Jésus. Frères et sœurs, ta vie ne sera pas enterrée parce que tes ennemis n'auront jamais le dernier mot. Oh, je dis à quelqu'un, tu as peur de la sorcellerie, tu as peur de la maladie, tu as peur des hommes. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. Avec Jésus ressuscité, tes ennemis n'auront jamais le dernier mot dans ta vie. Tu vas les regarder en face, tu vas les écouter, mais le dernier mot appartient à Jésus. Le dernier mot appartient à Dieu. Même s'ils ont mis des militaires, même s'ils ont mis la pierre, mais le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui sont stressés par des ennemis. C'est des problèmes, c'est des épreuves, c'est des difficultés, c'est des questions. Mais rassure-toi, dans ta vie, le dernier mot appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. Tes ennemis n'auront jamais le dernier mot. Tu es malade ce matin, le médecin a déclaré ce qu'il a déclaré, mais le dernier mot appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Les gens ont juré dans ta vie, mais le dernier mot appartient à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ce Jésus? Il a le dernier mot dans nos vies. Il a le dernier mot dans nos vies. Il a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Il y avait une chanson, on disait, il a le monde entier dans ses mains, il a le monde entier. Dans ses mains, il a le monde entier. Dans ses mains, il a le monde dans ses mains. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Oh, il est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Quand Jésus arrive, oh, j'aime comment Jésus procède. Il dit, la paix soit avec vous. Alléluia. La paix soit avec vous. Jésus ne prononce pas de paroles au hasard. La paix soit avec vous. Et ma prière ce matin, que la paix soit avec vous. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus de paix suite à certaines circonstances dans leur vie. Il y a des choses qui ont la capacité d'arracher la paix à quelqu'un. Tu es là ce matin. Tu es sur un chemin où tout ce que tu rencontres t'arrache la paix. Tu es dans une situation où tout ce que tu rencontres t'arrache la paix. Jésus est ressuscité. La première rencontre avec ses disciples, il a dit la paix soit avec vous. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on ne t'arrachera plus jamais la paix. Parce que Jésus ce matin, il veut donner la paix à quelqu'un. Il veut donner la paix à celui à qui on a arraché la paix à cause des circonstances. La deuxième chose, pourquoi il dit que la paix soit avec vous? Les disciples avaient des questions. Ils avaient des questions d'avenir. Ils vivaient autour de Jésus. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est Jésus qui le faisait. Les impôts, c'était Jésus. Toutes les circonstances de la vie, c'était Jésus. Quand la belle-mère de Pierre était malade, c'était Jésus-Christ. Alors il s'est demandé, qu'est-ce qui va se passer demain? Plusieurs personnes au milieu de nous, et ici dans l'église, et à l'extérieur, plusieurs se demandent, qu'est-ce qui va se passer demain dans ma maison, demain dans ma vie, demain, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, la paix soit avec vous. Les questions d'avenir, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et d'avenir, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, l'avenir est garanti. J'ai dit à quelqu'un, l'avenir est garanti avec le Seigneur. C'est pourquoi quand il voit les disciples, il dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix soit avec quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un ce matin, il vit tellement des événements qui ont arraché tout ce qui lui reste encore comme paix. Alléluia. Il a tellement de problèmes dans sa vie. Que même la dernière partie de la paix qui lui restait est partie. Oh, tu es là ce matin. Tu as besoin d'une bonne nouvelle. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la guérison. Tout ce qui est dans ta vie travaille pour t'arracher la paix. Tes amis travaillent pour t'arracher la paix. La famille travaille pour t'arracher la paix. Les circonstances travaillent pour t'arracher la paix. Il y a quelqu'un. Il est le prince de la paix. La première chose